45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Bambi, Jay and I, c'est ce qui arrive dans un instant sur Energy. Sam Smith aussi. Et puis le retour du best-of de Vince. Energy. Et puis je suis branché évidemment sur le WhatsApp de Vince, hein, 0492 222 002. D'ailleurs, je propose qu'on renomme ce WhatsApp le WhatsApp de Flo, étant donné que Vince n'est pas là toute cette semaine. Ce sera quand même mieux. D'ailleurs, oh, l'émission. Tu vas rester calme. Attends, mais tu t'emballes. Oh, je tiens comme par hasard, vite, il est là. Tu t'emballes un petit peu, Flo, le WhatsApp de Flo, ça y est, oh, bah, directement. Non, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas ce que je voulais dire. T'as la cinquième émission et déjà tu t'emballes comme ça, c'est incroyable. C'est la dernière, c'est pour ça que je commence à prendre mes marques, tu vois. Je constate, comment tu vas, Flo? Mais ça va bien, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Flo, dans la radio de 21h jusqu'à minuit sur Énergie, excuse-moi. Exactement, c'est ça. Eh bien, écoute, je suis venu pour bosser un petit peu, puisque voilà, c'était des vacances. On prépare la rentrée, quoi. Voilà, on prépare la rentrée, c'est un gros mot. Voilà, je vais surtout envoyer deux, trois petits mails. Ce que je peux faire mon téléphone, mais c'est le plaisir d'être ici. Ça m'avait manqué. Et tu t'es bien occupé d'eux, j'espère, là, sur le WhatsApp. Ah bah, dis-moi comment ils étaient. J'ai essayé de faire de mon mieux. Et franchement, ils sont très très cool. Hein, 0492 222 002. Bombardez sur WhatsApp, là. Ceux qui ont l'application WhatsApp, vous envoyez des messages là-bas. Bah, vous ajoutez Vin sur Énergie dans vos contacts. Et vous envoyez un petit message à Flo. Ça lui fait plaisir de soutenir ce best-of. Et franchement, voilà. Ils m'ont très bien accueilli. C'est vrai, ils sont cool. Ouais, hein. Ils ont été très très cool. J'ai vu, t'as tapé la Cosette et tout avec eux. Bah ouais, c'est ça. Franchement, ils me tiennent compagnie, là, jusqu'au milieu. Bah, il y a Franck déjà qui dit. Yo, salut Vince. Voilà, il y a Timothy qui est là, Kevin, DJ Boss, qui d'autre, Célestin aussi qui est boss, là, qui dit vrai. Coucou. Voilà. Boss, c'est bon, je bosse avec lui en fait, c'est mon boss. Ah, c'est pour ça. Non, mais c'est vraiment mon boss. C'est vrai. C'est pour ça que je l'appelais DJ Boss. Putain, c'est pas mal ça. Ouais, c'est mignon, hein. Effectivement, non, mais c'est vrai, hein. C'est, très sérieux. C'est énorme. C'est je très savais sérieux. Pas. Du coup, il s'appelait comme ça. Non, mais il s'appelle vraiment DJ Boss, en même temps, ah, c'est mon okay. boss. Tu ah, vois, bah, c'est une manière de bosser, voilà. Il paraît qu'il est bon en maths, il a la bosse des maths. Allez, j'ai encore besoin de vacances, je fais des blagues de merde. Il est en forme, il est en forme. Complètement. Il va revenir dès lundi. Ouais, et toi, tu reviens aussi dès lundi. Ouais, moi, je bouge pas, moi. Les vacances, je sais pas quand ce sera, mais 20 à 21h, c'est ça. De 20h à 21h, toujours. Pourquoi je dis toujours de 19 à 20h? J'ai toujours la sensation que je démarre à 20h. Moi, tellement j'ai l'impression que c'était mission. Ah ouais, on fait des tonnes, on fait des tonnes. Ah, mais c'est parce que je termine toujours après minuit. Ah, ouais, c'est pour ça. Ouais. D'ailleurs, on a réécouté hier le passage où t'as appelé Marc à 2h du mat, le grand patron. Le patron? Ouais. Tu l'as joué deux fois ce moment? Non, une fois. Non, tu l'as joué deux fois? Non, une fois. Arrête, deux fois. Je te jure, je l'ai joué qu'une fois. Moi, il me semble que je l'ai entendu il y a quelques jours de ça. Ah non, t'as raison, c'était hier. Ouais, ouais c'était hier. C'était hier. C'était déjà hier. Ouais, c'était hier. Putain, le temps passe vite, c'est incroyable. Oh là là. Hier ou avant-hier, je sais plus, mais on l'a passé. T'as vu, t'as fait le plus long speak de toute ta carrière. Exactement. Là. D'ailleurs, je vais me faire engueuler. Faut préciser un truc, en fait, nous, en libre antenne, on parle très longtemps. Exactement. Mais toi, t'es dans un concept d'émission où tu dois parler de manière un peu restreinte, tu vois. Enfin, tu dois dire le strict nécessaire. Nous, on aime bien parler pour rien dire. Et là, j'ai reçu un SMS de mon boss. C'est pas DJ Boss, mais c'est un autre. Tu lui demanderas, tu lui diras que je suis venu expressément à Énergie pour faire mon extravagance en live, mais c'est DJ Flash visiblement ce soir. Ouais, c'est DJ Flash à minuit. Ouais. Il a pris ma place, Flash. D'ailleurs, je le remercie parce qu'on était ensemble à la Louvière pour un chouette événement. D'ailleurs, je remercie tous les auditeurs de la Louvière qui étaient là pour la nuit d'Halloween. Ouais. On était là-bas avec DJ Flash, un événement Énergie. C'était très très cool. Ah bah parfait. Vince, on se retrouve lundi. Non, je reste. Hein, je suis bien. Ça m'avait manqué la radio. Bon, bah, dans un instant, Vince est toujours là. Bombardez-le sur WhatsApp, les amis. 0492 222 002. Envoyez des photos bizarres de vous à Flo. Ça va lui faire plaisir. Donc 0492 222 002. Voilà des photos qui choquent un petit peu. Il adore ça sur WhatsApp. On a été tellement long que le bed il s'est arrêté. C'est la première fois que ça m'arrive. Le eh ben, bed on va continuer à parler. Minutes. On continue à parler, non, mon pote. La pub, c'est la pub. Bombardez-le. WhatsApp, vos stars préférées reviennent toutes à Cannes le 10 novembre pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Ça va à Cannes. Votez maintenant pour vos artistes préférés sur energy.be. Les Energy Music Awards 2018, le 10 novembre à Cannes, en direct sur TF1. Energy, hit music only. Elles sont liées bien souvent et parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Il y a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où vont courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. Celles qui tiennent des armes, celles qui sèchent de larmes, qui consolent les enfants. Celles qui nous unissent, celles qui nous punissent, moi ma main je l'attends. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la scène et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la scène, nous tournerons en rond, allez ma peine. Donne-moi ta main.

she changed. I can't wait for the show. Got that good, yeah, I know. You should not be alone. All this drink got me drunk. Car got me right, and I feel so alive. Hey, she don't wanna think, she don't wanna be no wife. She hey, just wanna stay up late, she just wanna stay. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now y'all just wanna kick it, Jackie Chan. Vendredi soir, on le passe ensemble à la cool sur Energy avec vos hits préférés. Offenbach sera là le tout dernier, c'est juste avant 22h ainsi que Amir. Et puis là, comme promis, on va se faire ensemble la friendzone dans le best-of de Vince. C'est Valentin qui va appeler Catherine, il est amoureux d'elle, il n'ose pas lui dire. Bah, du coup, on lui propose de passer à l'antenne pour lui déclarer sa flamme. Si Catherine est OK, ah bah, tant mieux, il finit son couple. Et si par contre bah, elle préfère garder Valentin comme ami, ah bah à ce moment-là, Vince entre en jeu et lui fait croire que c'était une blague à la radio. Le concept est juste énorme. Écoutez ça, c'est tout de suite dans le best-of. Le soir, dès 21h. Vince est sur Énergie. Le nouveau Valentin, est-ce que t'es prêt pour la friendzone? Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. C'est parti, on appelle Catherine, tu lui avoues tes sentiments en direct. Si jamais ça se passe mal, on dit que c'était une blague à la radio. Et comme ça, on casse pas ta relation que t'as avec elle. Si jamais ça se passe bien et qu'elle est intéressée aussi, eh ben, c'est génial. T'es prêt? On fait rien dans ça. Je suis prêt. On t'écoute. C'est parti. Ouais, mais t'avais pas mis l'insert 2, du coup, je crois, elle a entendu. Non, t'es sérieux, mais putain, mais c'est. Attends, les gars, il faut lancer quand je vous regarde à mon signal. C'est incroyable. Tu sais pourquoi il lance toujours à. Je comprends pas non plus, putain, elle a entendu. Non, mais j'espère pas. Valentin, je t'explique, c'est parce que. Bon. Oh putain, oh merde. Putain, ma gueule, t'as merdé là. Non, putain, merde. Mais sérieux, mais depuis. Hey, je vais le faire moi, on va trouver une solution pour que je le fasse moi. Vas-y, on rappelle maintenant, mais là, je crois que c'est mort. Wouah. Attends, voir si ça sonne. Et on n'est pas sûr que j'ai entendu, attends. Vous faites tout un caca là, c'est bon. J'espère calme. Pas. Mais calmez-vous. Ouais, allô. Ouais, non. Allô, Katou. Ah non, c'est Valentin. Ah, ça va. Non, ça va. Ça va. Putain, ouf, elle a pas calé. Pourquoi tu m'appelles en numéro masqué? Ouf. Oh. Quoi? Voilà. En numéro. Ah non, j'ai pas fait gaffe. C'est... J'ai merdé, je pense. Ah bah ouais. Ça va. Ouais, toi. Ça va, ça va. C'est un peu le star, hein, je m'excuse, mais c'est parce que j'avais un truc à te dire, je te l'ai dit tout à l'heure. Ah ouais. J'ai besoin des petits conseils de la cacate. Hein. dis-moi, en fait, tu te souviens un jour quand on est sorti au bowling avec Max et Fred? Ouais. Ouais, je t'ai dit que j'avais flashé sur une meuf au bowling. Ouais, ouais, tu m'avais dit. Ouais, en fait, je voudrais me lancer et lui dire, tu vois, mais toi, t'aimerais bien qu'on te le dise comment, quoi, parce que, enfin, tu parles depuis sur Snap et tout, mais pas moyen de faire le premier pas, quoi. Ah, ben, c'est un prix que je demande. J'ai décidé de me lancer, tu vois, mais du coup, je veux un conseil de toi, tu vois, comme t'es une meuf et tout, tu pourras peut-être m'aider un peu, quoi. Ben... Ça dépend si tu la connais vraiment bien, tu vois. Si tu la connais vraiment bien, ben, tu pourrais, je sais pas, aller lui dire, enfin... Comment je veux dire ça? Tu lui expliques et tu regardes un peu ce qu'elle va dire, tu vois. Mais genre, je sais pas si tu la connais vraiment bien, si tu la connais pas, tu vois, ben... Va près d'elle, deviens, on va dire, son pote, en quelque sorte, tu vois. Et après, ben, engage-toi. Ouais, parce que, en fait, je la connais, tu vois, mais je lui parle que par message et tout, tu vois, et puis on n'est pas vraiment sortis que à deux, tu vois, donc c'est chaud. Ah ouais. Mais je sais pas trop. Mais toi, t'aimerais bien qu'on te le dise comment, par exemple? Ah écoute, j'en sais rien qu'on me le dise. Hein. Qu'on me le dise, c'est déjà bien, tu vois. Ouais, mais qu'on te le dise, genre, par message, ou je sais rien, moi, enfin. Ben ça, peu importe, en fait. Je suis triste de ouf, en vrai, je sais pas, mais... Ben, moi, comme elle dit en face, ou... Je sais pas, enfin, tu vois. À la rigueur, par téléphone, ça pourrait aller. Ben ouais, je crois. Enfin, je sais pas. Bon, du coup, faut que je te dise un truc. Quoi? En fait, c'est toi, la meuf, avec qui je veux annoncer mes sentiments. Il l'a dit. Pardon? Bah ben ouais, je sais pas si... Non mais tu vas peut-être croire que c'est une blague ou quoi, mais genre pas du tout, enfin... Voilà, c'est mieux que je te le dise et... Vous le sentez comment, les auditeurs? Mais tu te fous de moi? Ben non. Vous le sentez comment, dites-nous comment vous le sentez? Mais c'est pas possible, enfin, tu vois... Oh merde. T'es un bon pote, mais j'ai jamais eu d'attirance pour toi, enfin, j'ai provoqué un sentiment, tu vois. T'es moche. Et non, c'est pas possible, y a pas moyen. T'entends les portes de la friendzone? Désolé, non. Mais t'es sérieux, là? Enfin... Bah ouais. Ah ouais. Bah évidemment. Tu crois depuis tout le temps qu'on se connaît et tout, et non. Elle est vénère. Ouais, je sais pas, ça fait combien d'années, peut-être 3-4 ans, mais non, il n'y aura jamais rien. Enfin, je sais pas, tu comprends, tu vois. Le meuf qui dit il n'y aura jamais rien. chaud. Bah ouais, chaud, parce que là, tu me mets dans une situation un peu chelou, là. Heureusement, enfin, on est là pour l'aider. Je sais pas quoi dire, parce que. Franchement, moi, je t'aime pas, tu vois. Oh, et c'est horrible. Ah ouais, vraiment. Ok. Non, bah... Mais du coup, on intervient pas. Tu vois, ça sert à rien. Non, je te le dis cas, je t'aime pas et il y aura jamais rien, tu vois. Ça sert à rien. En plus, excuse-moi, mais même si t'étais le seul ou le dernier garçon sur la terre, mais jamais... Mais comment elle peut être méchante comme ça? T'es fou. Oh, elle a déjà fait ça. Là, par contre. On va se calmer, là, enfin... Elle te déteste. Ouais, c'est quoi ça? Genre, j'ai une sale gueule, enfin voilà quoi. Non, mais. Non, c'est vraiment pas mon style quoi. Loin de là, mais. Loin de moi. Ok. Non. Ok, ok. On va l'aider, Je vais te laisser, non? Enfin, voilà. J'ai rien d'autre à te dire, à part que j'ai rien. Elle est vénère. Non, il faut non franchement, tu crois que tu peux très croire sur moi, là, tu vois? Une grosse croix. On peut au moins rester proche, non? On est là à la rescousse! Bonsoir, Catherine!

ça c'est faux pour le coup. You mention something but I don't want for two. Oh honey, I do everything for you. Everything for you. You give me butterflies. You feel like paradise. We can tell niggas today, hey, I wanna come, motherfucker. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe, I love it. Cause your boyfriend is a dork, make loving. I just pulled up in the ghost, fucked that bitch up out in London. Then I fucked up on a cousin or her sister, I don't know nothing. And my niggas getting ignorant, like a lighter bitch, we ignorant. All this water on my neck look like I fell when I went fishing. So much diamonds on my bust, now ooh, fuck, what's the time? Oh, yeah. Me and smoke, perp, sipping, train. Ooh, fuck, she take lines. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe. When the first time they ask you, you want sparkling or still? Are you trying to act like you was drinking sparkling water before you came out here? You're such a fucking, I'm a sick fuck, I like a quick fuck. I'm a sick fuck, I like a quick fuck. I'm a sick fuck, I like a quick fuck. I'm a sick fuck, I like a quick fuck. I'm a sick fuck, I like a quick fuck. I like my dick suck, I buy you a sick truck. I buy you some new tits, I get you that nip tuck. How you start a family, the condom slipped up. I'm a sick fuck, I'm inappropriate. I like hearing stories, I like that hoe shit. I wanna hear more shit, I like the hoe shit. Send me some more shit, you trifling hoe bitch. Bitch. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe, I love it. You know, all day they couldn't say the shit they wanted to say. They had the fake orgasms and shit. We can tell niggas today, hey, I wanna come, motherfucker. Merci d'être avec nous sur Energy, vendredi soir, 22h. Energy. Les amis, pareil qu'on aura un beau week-end avec du soleil. Hein. Ça va faire du bien, ça va nous réchauffer. David Guetta tout de suite et le retour du best-of aussi. I don't wanna lie, can we be honest? Right now while you're sitting on my chest. I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left. I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day. We didn't repeat every conversation. Being with you every day's a Saturday. But every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know. Never see your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. be alive today. With or without you, like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day, it's a Saturday. But every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I'm sitting on TV. Ensemble, le jeu des 4 punchlines dans le Best of Devine. Ce sera dans un instant, juste après Lia Passy ou encore Ed Sheeran. Et d'ailleurs, Ed Sheeran, il a posté sur Instagram une photo de lui il y a deux jours, déguisé, maquillé pour Halloween. Mais ce qu'il y a, c'est que sur Ed Sheeran, ça marche pas. Il a tellement une tête de nounours que même déguisé en vampire ou en ce qu'on veut, il est quand même trop chou, quoi. Allez voir ça sur son compte Instagram. Voici Jason Derulo sur Energy. Girl,

you look happier. So you walk inside a bar. He said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier. Attention, on appelle tout de suite Ivan en direct sur Énergie. On coupe le micro. Et on écoute ce qui se passe. Non, ça va crier, on va voir. Allez. Allô. Allô. Yes. Allô. Ouais. Allô. Ouais, allô. Ouais, Ivan. Ouais, c'est Léa. Léa. Léa. Allô, oh, putain, tu vas pas me faire chier là. C'est Léa. Oh, ah, Léa, ouais, salut, oh, excuse-moi, désolé, j'avais la tête à... Ouais, désolé, excuse-moi. Attends, ta gueule, tu m'énerves. C'est quoi cette histoire que tu viens pas ce soir? Ah, ça commence bien. Quelle est l'histoire déjà, s'il te plaît? Mais allez, c'est l'anniversaire à Marion ce soir, t'étais censé être là. Mais t'es censé se revoir, ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu. Attends, deux minutes, attends. J'ai rien reçu, moi, comme message, j'ai rien reçu, donc il faut pas commencer à crier, à péter un câble. Hein. Oh, mais putain, mais t'es vraiment un fils de pute, dis, ça fait un an qu'on s'est pas vu, et t'es même pas capable de venir coucher ton gros poule pour venir me voir. Ouais, j'étais sérieuse, là, tu commences à engueuler comme ça les gens. Ouais, on s'est pas vu depuis un an, et moi j'ai reçu ta vite. Ouais, hé, commence pas à faire le polos, hein. Moi je te mets une claque direct, tu tombes par terre, hein. Ouais, t'as cru que t'étais qui? T'étais Hulk, t'étais Hulk Hogan, vas-y, calme tes nerfs, ouais, la meuf est là, elle commence à prendre ses heures, ouais, là. Ouais. Ouais, t'es sérieuse ou quoi, là? Me cherche pas. Comment ça, me cherche pas? Comment ça peut... Boule. Mali, ramène ton boule, attends, ferme ta gueule, parce que moi, là, je suis pas d'humeur. Là, je me suis pris la tête avec ma meuf, là, tu commences à me casser les couilles, là, maintenant. Vas-y, ferme ta gueule, tu as sauté, va. Eh ben, elle va partir comme la dernière, hein, t'es tellement naze au lit. Putain, mais allez, mec. Qui parle, espèce de casse, espèce de cramé de Bruxelles ici? La meuf, elle couche avec tout le monde ici, à Bruxelles. Vas-y, ferme ta gueule, espèce de casse. Mais ça va pas dans ta tête ou quoi? Mais ça va pas toi dans ta tête, espèce de conne, va. Mais putain, tu fais tellement pitié, mon gars, mais c'est incroyable. Je te crache à la gueule. Attends, ouais, j'étais sérieux, là, tu commences à m'appeler en me disant, en m'insultant, même pas un bonjour, même pas un bonjour, rien de tout. Tu me claques direct. Vas-y, ferme ta gueule, espèce de grosse casseuse, va de Bruxelles. Allez, mais putain, non, mais ouais. Oh, direct. Et fais pas trop le mec comme ça, fais pas trop le mec. Marion, elle avait envie de te voir, je t'appelle juste pour ça, et t'es même pas capable de te ramener, quoi. Ah bah si, vraiment, elle voulait me voir, vraiment, elle voulait me voir, cette pue, elle aurait pu m'appeler, elle m'envoyait un message pour son anniversaire. Mais ça va pas dans ta tête ou quoi, elle traite plus jamais de te pue, hein. Moi, j'ai un peu pu, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes tous des peu pu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais t'es un gros malade, c'est incroyable. Vas-y, ramène-toi, on va voir. Comment ça, ramène-toi, wesh? Mais t'es même pas capable de te ramener. T'es même pas capable de bouger ton cul. Tu veux me tester? Bah ouais. À la base, tu devais venir pour Marion, là, elle t'attendait. Si cette salope, elle voulait vraiment m'inviter à son anniversaire, elle m'aurait envoyé un message, espèce de croûte puve. Mais je t'appellerais pas si t'étais pas invité, hein, tu sais ça. Les auditeurs vont faire un truc de ouf. Pourquoi elle fait son anniversaire sans inviter cette salope? On va faire un truc de ouf. Ils nous entendent pas. Marion, elle est pas contente. Envoyez un maximum. Je m'en bats les couilles. De clash à Ivan en note vocale. Qu'elle soit contente, je m'en bats les couilles de cette meuf. Un maximum de clash. Soyez intelligent, pas forcément vocal. Ok. Et je vous fais tous là-dedans, ok? Mais sur WhatsApp. 0422 222. Comment ça, Mais vas-y, passe-la moi maintenant. Quoi? Mais non, mais tu vas pas l'emmerder pendant sa fête d'anniversaire. M'en bats les couilles, si t'as les couilles, tu me la passes maintenant. T'es une ouf ou quoi? T'es là, tu commences à m'insulter et tout. Attends, je te la passe. Je vais pas lui parler, c'est bon, c'est pas pointé, j'ai rien à foutre. Ouais, c'est quoi ton problème? Ouais, c'est quoi ton problème à toi? T'es là, tu me dis, j'ai envie de te dire. Mais c'est quoi le respect? Tu connais rien en fait! Vas-y, espèce de gueule, j'ai même pas envie de parler avec personne! Retrouvez les meilleurs moments de Vince en podcast audio et vidéo sur l'appli Énergie Belgique. La deuxième partie du jeu des 4 punchlines qu'on vient d'écouter, ce sera dans quelques petites minutes. Le temps pour moi de faire un petit tour. Là, du côté du WhatsApp, il y a notamment Timothy qui a laissé un petit message vocal. Flo est dans la maison. Pas merci Timothy, ouais, je suis dans la maison. Vous êtes tous dans la maison comme Arthur, Franck, Fred, Adam, Divine, Driss, Luca, Kevin. Voilà, vous êtes tous connectés sur le WhatsApp 0492 222 002. Venez nous rejoindre. Dadju, c'est tout de suite. Vita et Slimane aussi, juste après. Tu t'attendais avec moi, y'a pas d'histoire de c'est juste un ami. À qui tu veux faire avaler que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble on est stylé, c'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes je les connais, j'ai moi-même été de l'autre côté. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis, t'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier. Homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment, je suis jaloux. Bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Yeah. J'ai toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit. Sois pas naïf, non, méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde. En commençant par s'exposer. Si je te dis méfie-toi de tout. De tout et de tout le monde, c'est que mon tour finira par arriver. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de

minuit, c'est toujours Flo avec vous. Dans un instant, on aura Aya Nakamura et puis la nouveauté Panic at the Disco. Et c'est peut-être ce qui va vous arriver ce soir, hein, si vous sortez en boîte, panique totale. Si jamais bah, y a une coupure de courant, là c'est sûr que c'est de quoi passer une mauvaise soirée. Je ne vous le souhaite pas. Il y aura aussi Jack Jones dans la suite des hits. Et puis on se fait tout de suite la deuxième partie du jeu des 4 punchlines. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, c'est Léa qui a appelé son pote Yvan. Bon, ça n'a pas l'air d'être vraiment son pote vu comment elle le traite. Le pauvre, j'ai vraiment de la peine pour lui. Mais elle doit lui placer 4 phrases qui font mal. Elle en a déjà placé quelques-unes. C'est tout de suite la suite des 4 punchlines. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur Énergie. On le rappelle. Let's go. On coupe nos micros. C'est parti. Allô? Ouais, allô. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. De quoi? Ouais, et tu vas plus jamais faire le malin comme ça avec moi, je te jure, hein, parce que j'étais tout ça sur toi. Hein. Mais ferme ta gueule, association de cramer de Bruxelles, va, vas-y, ferme ta gueule. Plus jamais tu me traites, et plus jamais tu traites Marion comme ça. C'est clair? Je m'en fous, qu'est-ce qu'il y a? Jamais, jamais. Et même, mais fais gaffe, hein. Moi j'ai balancé tes nudes sur internet, hein, tu vas voir. Ah, moi je vais balancer les vidéos qu'on a Ken sur internet. Qu'est-ce que tu veux, espèce de cramer? Mais t'es malade, bon. Mais c'est moi qui les ai sur mon téléphone. C'est moi qui l'étais, tu ne t'aimes même pas, arrête un peu. T'es sûr de ça, tu les as... Ben ouais, arrête un peu. Mais vas-y, t'as rien sur moi, t'as rien, t'as que dalle. T'inquiète pas, t'as déjà un petit public qui est dans mon quartier, espèce de cassos, va. Oulala. Dans la cave, ils t'attendent tous dans la cave, espèce de cassos. C'est ça. Va crever, moi je te crache dessus déjà. Oh, mais carré, mais la buse. Vas-y, moi je te pisse à la gorge. C'est quoi cette discussion? Je suis chaud. Vas-y, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, j'ai pas envie de... Mais ouais, c'est ça. Ben moi j'ai déjà crié assez aujourd'hui aussi, hein. Ferme ta gueule, c'est dans les meufs. Ferme ta gueule. Ouais, tu m'as déjà vu fermer ma gueule. T'as déjà vu fermer ma gueule, mais n'importe quoi. Non, mais j'ai déjà vu... Vite, va. Tiens, ramasse. Ouais. Ferme ta gueule maintenant. Grosse frustrée. Elle part tout ça à cause de ta vie. Je te dis, fallait pas me casser les couilles aujourd'hui. Fallait pas me casser les couilles. Je me suis pris la tête avec ma meuf. Fallait pas me casser les couilles. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Oh, Yvan, ta gueule. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, ta gueule? T'es qui, toi? Tu veux quoi? Ferme ta gueule, ça pue la bite. Comment ça? Je vous prends tous, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Ah, rescapé de fausse couche, ferme ta grande gueule. Vas-y, ferme ta... Je vais venir maintenant, je vais tous vous baiser un par un. Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'es un vrai connard, toi, franchement. Moi, je suis un vrai connard. Même pas là moi, pour son anniversaire à Marion. Elle avait qu'à m'inviter, cette grosse pute. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux plus jamais la revoir. Tu baisses comme une tortue, clochard. Moi, je prends ta daronne, ta tante, je prends tout, je les pèse. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Ah, si t'as des couilles, viens, Yvan. On t'attend. Vas-y, j'arrive maintenant. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Yvan, t'as tellement une petite bite que quand la petite souris, elle est venue, au lieu de prendre ta dent, elle a pris ta bite, bâtard. Mais ferme ta gueule. Je vais pas commencer à crier. Je vais sortir de mon quartier, tout le monde va. Je vais répéter tout le monde. Ah! Vieux tiche, mes couilles sur ton front, ça sera un dindon, espèce de vieux tiche que t'es. Je vais tous vous baiser. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Je viens de sortir, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Parle bien, mec. T'es où, espèce de... Attends. Surveille ton vocabulaire, s'il te plaît. Il a raccroché, oh mon dieu, putain! Ah, c'est épique! Léa, t'as capté qu'à un moment donné, t'étais plus à l'antenne, hein? Il est vénère, c'est un truc de dingue! Le mec, c'est vénère avec les notes vocales des auditeurs sur WhatsApp, c'est juste ouf! Ouais. Hey, c'est quoi, un jour, l'émission, en fait, ça va être que des notes vocales? Ouais. Les unes derrière les autres, l'émission. En fait. Ah, mais vraiment, mais faites l'émission, on sert plus à rien, là! Hein. Oh le gars, comment il a pété un plomb. Et franchement, j'ai passé mais tellement peu de notes vocales en plus. Bon, on va lui dire que c'est une blague quand même, parce que là, voilà, le pauvre, il s'est emballé là. Léa, on va lui annoncer, ok? Allez, ça va. Vas-y, dis-lui. Ivan! Sur Énergie. Une petite bite. Petite souris. Allô? Tu veux quoi? Ferme ta gueule, je veux pas t'entendre. Qu'est-ce qu'il y a? Ferme ta gueule. Bon, je veux pas t'entendre. Yvan chérie, Calme-toi maintenant, calme-toi. Calm down. Focus, man. Calm down. Allô? Ivan! Allô? Où est-ce que tu fous ton rôle? Calm down! Mais qu'est-ce qu'il fout là? Il sort ta kikine, hein? Ouais, c'est quoi ton rôle? You wanna focus me? You wanna focus my wife? Big up, boy. Oh, yo. Like my miss to my trompet. Oh, yo. Je vais tous vous péter. Non, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool, Yvan. On dirait ça, ça fait mal aux fesses un peu, hein, de faire ce genre de choses. C'est dangereux, hein. Bon, Yvan. Bon, ça dépend, vu qu'il y a une petite bite. Yvan. Qu'est-ce que tu veux? Doucement, sinon je te repasse les messages des auditeurs et ça va mal se passer. Je m'en bats les couilles. Quel auditeur? Les petits Gigi, c'était une blague. T'as compris? Je vais demander aux auditeurs. Yvan, c'est une sirène. Oh, elle est raccrochée. Il a entendu tes sirènes. Mais pas RJ. Oh merde. Attends, on rappelle tout de suite. Oh putain, j'ai mort. Hey, les gars, envoyez des notes vocales WhatsApp. T'es sur énergie. C'était une blague. Ivan, t'es sur énergie, c'était une blague. Comment il a dit? C'était une blague. Coquinette, tu me fais tout le rôle ou quoi? Mais calme-toi. Il y a des gens qui veulent te parler, tu m'entends? Ivan. Oh, réponds, petite bite. Écoute. Oh yo, je vais peser, c'est qui ce type? Arrête, calme-toi. Écoute bien. Qu'est-ce que c'est, quoi, j'écoute. C'est une blague, c'est sur énergie. T'as entendu? Comment ça? Écoute encore. C'est une blague. Vince, c'était le meilleur. Toute l'équipe, vous êtes le meilleur. Et dédicace à Manon, je l'aime. Petite dédicace à Manon. Il a profité, il a posé sa dédicace, écoute. C'était une blague, qu'est-ce que je te dis? T'es sur énergie. T'as compris? Attends, il y en a encore un. Tu t'es bien fait avoir par énergie. Il y en a encore un. T'es sur énergie. Ah, Ivan. Ivanov, ou je sais pas quoi. Tu viens de te foutre sur énergie, mon dog. PX, moi, je te le dis déjà. Effectivement, bon, Ivan, elle est trop motivée là. Ivan, t'es sur énergie, bravo. Ouais. T'es génial, Ivan. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. En podcast audio et vidéo. Sur l'appli Énergie Belgique. Il m'a dit t'es où, je te rejoins t'es là. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a fâché. Je suis pas ton plan bête, à ma telle fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. Oh mes copines. Tu es la plus bonne de mes copines. Oh mes copines. Je veux que t'es barré, mais t'en veux encore. Toi, tu crois viser dans le mic. Voudra trouver un alibi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne de mes copines. Oh mes copines. Tu es la plus bonne de mes copines. Oh mes copines. Je veux que bombarder. Fresh wine, yeah. c'est tout frais. Tout frais. Nouveau hit, tout frais. Dans la playlist énergie. Panic at the Disco. Now it's hard to breathe into you. Breathing we made. I know it's hard to breathe. I'm not in love, it's just a game we do.

electricity, mind if I steal a kiss? Tap, tap, little souvenir. Hey. Can I steal it from you? To memorize the way you shock me. Yeah. The way you move it here. Just wanna feel it from you. Hey, woo. Don't be afraid to catch feels. Goddamn, I know you love to make an entrance. Do you like getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch feels. Don't be afraid to catch these feels. Ride your cup and chase through. Ne vous inquiétez pas les amis, le retour du best-of ce sera dans un tout petit instant, juste après David Guetta et Dinoro qui m'a été demandé par Romain sur notre page Facebook Énergie Belgique. Si vous aussi vous avez des demandes, n'hésitez pas à faire votre playlist sur energie.be, je la diffuserai peut-être lundi à 20h dans la playlist partagée. We had the love we shared. This is what we're waiting for.

I'll be ready. Are you ready? It's the start of us waking up. Come on. Are you ready? I'll be ready. C'est là-dessus que je vous laisse les amis, je vous retrouve dès lundi à partir de 20h pour une nouvelle playlist partagée. N'hésitez pas d'ailleurs à faire la vôtre sur energie.be, on la diffusera peut-être lundi ou courant de la semaine. À 21h, bah c'est Vince que vous allez retrouver en direct avec toute l'équipe. Et puis d'ici là, je vous laisse avec les hits d'énergie Sloan avant minuit, Dennis Lloyd aussi. Et la voici Rudimental, bon week-end. And then I say to myself, it's never as it seems. Cause I am the one, I rule my world. Nobody rule my destiny. Cause you are the one, you rule your world. No Batman on your destiny. Leave me alone, let me live my life. Leave me alone, let me live it up, live it up. Leave me alone. Cause I am the one, I rule my world. Nobody rule my destiny. Cause you are the one, you rule your world. No Batman on your destiny. Leave me alone, let me live my life. Leave me alone, let me live it up, live it up. Leave me alone, make her live my life. Leave me alone, make her live it up, live it up. Leave me. J'irai voir le monde, Berlin et ses murs de l'ombre. Taquer mes rêves à la bonbonne. J'irai le temps d'une seconde, me perdre dans les rues de Londres. Goûter à la vie sans boussole. Et quand j'en aurai fait assez, j'irai retrouver Bruxelles et ses quartiers. Et quand j'en aurai vu assez, j'irai rallier les terres qui ne m'ont jamais quitté. Je vagabonde en vain, sans en connaître la fin. Je me perdrai en chemin, mais tous les pays sont les miens. Oh. J'atterrirai.

Bonsoir, moi c'est Tiffany, bienvenue hein, si vous venez de vous brancher sur Énergie. On est parti ensemble jusqu'à 4h du matin. Bah oui, c'est Extravadence qui commence maintenant. L'émission club de référence partout en Belgique qui vous accompagne sur la route pour sortir ou alors pour aller au boulot. Bah oui, puisque tout le monde n'a pas la chance d'être en vacances. On souhaite d'ailleurs beaucoup de courage à Marie qui nous écoute du côté de Namur, qui part bosser dans un hôpital. Bah ouais, il y en a et il en faut. Courage Marie, on fait aussi un coucou à Camille et à Fabien qui sont de sortie du côté de Liège dans le carré. Eh bien, amusez-vous bien les gars, hein. Franchement, vous avez du bol. Profitez bien de vos vacances et n'oubliez pas, on est aussi branchés sur les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram et Facebook pour nous rejoindre. C'est Énergie Belgique. Et puis, vous savez quoi ? J'ai envie de rester du côté de Liège avec notre DJ liégeois favori. C'est DJ Flash qui va nous mixer les meilleurs hits Énergie pendant une heure. Et je peux vous dire qu'il nous a prévu du lourd. Il y aura du Post Malone, Aya Nakamura, Tini Tempa, Niska, Bad Bunny. Non, c'est pas un cartoon. Non, rien à voir. Il y aura aussi Drake, MHD, Nicki Jam, J Balvin et puis la belle Ariana Grande. Je ne vous en dis pas plus. Surtout, restez branchés sur Énergie. Ça démarre maintenant. Une heure de mix par DJ Flash en ce moment dans Énergie Extravadance. N-R-J Énergie Extravadance. All we ever do is go yeah yeah yeah, and we don't even care about what they say, 'cause it's yeah yeah yeah yeah, blah blah blah blah. All we ever hear from you is blah blah blah. So all we ever do is go yeah yeah yeah, and we don't even care about. Get it?